Feu, vol, vandalisme ou rénovation. L'équipe qu'il vous faut, c'est celle de ProNet Régent Côté, communément appelée GUS. Bien implanté dans son milieu depuis 25 ans, GUS est générateur d'emplois dans sa communauté avec plus de 35 emplois créés dans le secteur. GUS, 1651, route 169, Saint-Félicien, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances à l'organisation du triathlon de Saint-Félicien et souhaite du beau temps aux organisateurs. Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, Monsieur Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Première édition du triathlon de Saint-Félicien, c'est une activité qui est en cours, qu'un comité a travaillé fort pour préparer sa première édition, et ça va avoir lieu en fin de semaine. Question de savoir un peu comment que ça se passe, on parle avec le responsable Jean-Michel Tremblay. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour M. Veilleux, bonjour tout le monde. Jean-Michel, première édition d'un triathlon. Comment ça, pour les gens qui ont fait un peu, le triathlon, c'est quoi? C'est le sport, la natation et également du vélo, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous autres, on s'est lancé là-dedans. Ça fait un an déjà. Là, c'est l'aboutissement d'un beau projet qui va avoir lieu le 2 septembre prochain, fin de semaine de fête du travail. Un triathlon, c'est quoi? En fait, c'est ça. Ça commence par la nage. Ensuite de ça, c'est suivi par le vélo. Ça se termine par la course à pied. Okay. Puis après ça, ben ça se dérive en plein de distances différentes. Puis en fait, vous avez dit que c'est la première édition, c'est un retour en fait. C'est la première édition, oui, mais en 89, ça avait déjà eu lieu. Puis c'était d'ailleurs le premier ou le deuxième, c'est pas trop clair ça, triathlon que Pierre Lavoie avait effectué dans sa vie. C'est à Saint-Félicien que ça se passait. Fait qu'on ramène le triathlon à Saint-Félicien qui avait déjà eu lieu il y a plus de 20 ans. Ça se passe au centre-ville, quoi? Comment ça va marcher, là? Exactement, on a un site enchanteur, fait qu'on a une belle ville pour ça, puis ça va être un triathlon, on va dire, accessible, finalement. Ça se passe en plein cœur de la ville, sur le boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien, au site de la Maison de la Culture, ça va être notre site principal. Il va y avoir de la nage en eau libre, bien sûr, dans la rivière à Chapmouchouane. Ensuite de ça, on a travaillé fort, on fait barrer tout le centre-ville, jusqu'à la botte de contournement, finalement. Fait qu'un beau circuit de 7 km de vélo. Fait que ça va être vraiment urbain. Ça va être, il y a pas beaucoup de côtes pour les gens qui veulent s'initier. Ben oui. Ça va être hyper rapide, intéressant. Puis la nage en eau libre, c'est accessible aussi parce que, il y a pas de vagues. L'eau est pas froide extrêmement non plus. Fait que c'est super. C'est pour ceux qui veulent commencer. Puis, là, cette année, par exemple, on a eu une été qui était un peu difficile sur le côté chaleur. Fait qu'il va y avoir une location de wetsuit aussi sur place pour ceux qui sont un peu plus, frileux. OK. Je parle de l'eau. Fête du travail, on est pas mal rendu à la limite, là, hein? Ouais, mais l'année passée, encore à cette date-là, j'étais capable de traverser, là, même sans wetsuit. Cette année, c'est un peu particulier, c'est un peu plus froid. Ouais. Mais on l'a encore fait hier, une quinzaine de personnes, fait qu'il n'y a pas de problème, ça va très, très bien. Un petit peu de courant, comme par contre à Saint-Félicien, fait qu'il faut toujours s'aligner un petit peu, ça va être important de s'orienter. Mais avec des bonnes consignes, tout ça, c'est très facile. On va avoir une super sécurité, on va avoir des zodiacs, des kayakistes, des sauveteurs. Fait qu'on a mis un grand point d'honneur sur la sécurité. OK. Dis-moi, ça vient de où, ces athlètes-là? Ces athlètes-là, ça vient de partout. Moi, je veux que ce soit les gens de la ville, de la région, parce que on a plein de gens qui sont en forme dans le haut du lac, finalement, puis ça s'entraîne un peu par-ci par-là, fait qu'on veut un événement rassembleur. Ensuite de ça, ben il y a des, comme vous savez, un triathlon à la baie, à Jonquière, fait que même dans la région, il y a plusieurs triathlètes. Je suis content, Saint-Félicien, il y a plusieurs personnes qui vont s'initier aussi, c'est ça le but. Puis finalement, ben il y a plein de personnes, j'ai parlé avec les hôtels, etc., plein de personnes de Québec, extérieures de la région, qui viennent aussi. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on a décidé de mettre ça la fin de semaine de la fête du travail. Hein. C'est stratégique. On veut que les gens viennent, profitent des infrastructures, des attraits touristiques, le zoo, des choses comme ça. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Dis-moi, les activités vont commencer à quelle heure? Oui, OK. En fait, le site commence à ouvrir à 8h le matin. Okay. Le premier départ se donne à 9h, c'est le triathlon olympique, donc okay. Le plus long des deux. Ensuite de ça, 9h30, c'est le triathlon sprint. On a aussi d'autres activités. On a bonifié notre journée, finalement. On a une course pour les enfants qui vont être présentée par le zoo Saint-Félicien avec des mascottes, des animaux de ferme, des animateurs qui vont expliquer un petit peu les animaux vont être traités avec respect, évidemment. Fait qu'il y a Le zoo va être là, ils nous présentent une course, ils ont embarqué, on était super contents. Puis le soir, on a deux spectacles aussi. OK, donc c'est pas mal intéressant. Là. Dis-moi, comment tu vois ça, l'avenir? Est-ce que c'est, tu me l'as dit en début d'entrevue, c'est un retour du triathlon. Est-ce que vous n'êtes pas juste là pour un an, j'imagine? Là? Vous êtes là pour une couple d'années? Non. C'est un retour, puis on veut assurer la pérennité de notre événement. En effet, effectivement, comment je vois ça, c'est l'étape 1 de plusieurs. Finalement. Fait que là, le but, c'est de faire un événement de roder, de travailler avec la ville, d'apprendre à barrer les parcours, de mettre ça sécuritaire. On veut vraiment pas qu'il y ait d'accidents, qu'on travaille fort pour ça. C'est un point d'honneur. Une fois que ça, on va bien roder, ben, l'avenir rapproché, c'est une Coupe Québec. On veut rapatrier une Coupe Québec. La Fédération Triathlon Québec sont intéressés à nous en donner une. Il va falloir qu'on discute puis qu'après ça, on s'organise. J'aimerais ça, ensuite de ça, créer un club régional de triathlon. Fait qu'on veut, on est là pour rester finalement. OK. Ça fait-tu peur, un triathlon, j'imagine? C'est trois épreuves. Ben, j'imagine que ça doit faire peur un peu au monde, non? C'est impressionnant. Puis on le sait aussi, mais on a déjà 150 inscriptions. On en vise à peu près 140, fait qu'on est super content. Puis bon, c'est possible de s'inscrire le matin même encore. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très accessible, mais quand même un peu impressionnant. La nage en eau libre, quelqu'un qui est toujours nage en piscine, ça peut être un peu impressionnant en effet. Fait que c'est pour ça qu'on a mis toutes les infrastructures nécessaires pour faciliter tout ça. Puis on le sait, là, moi je le sais, on peut le faire en équipe aussi. Donc une personne qui nage, une personne qui fait le vélo, une personne qui fait la course à pied. Fait que je sais que tout le monde qui font l'équipe, ils vont voir ça cette année, ils vont faire son équipe, ils vont dire ah, ça y est, bingo, je m'entraîne cette année, puis l'année prochaine, je le fais au complet tout ça. Je pense que les gens voient un petit peu de quoi ça a l'air. Après ça, c'est craqué un an qu'on va mettre des infrastructures en place pour qu'ils puissent le faire, puis s'entraîner toute l'année pour se préparer l'année prochaine. Mais oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu impressionnant, mais c'est la beauté du défi, puis le sentiment de valorisation est juste plus grand après. Ben Jean-Michel Tremblay, gros merci. J'aimerais avoir les résultats là, pour mon bulletin sport local mardi, s'il vous plaît. Excellent, fait que ça peut revenir ça. Puis merci de la visibilité. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Jean-Michel Tremblay, qui est le responsable du triathlon à Saint-Félicien, première édition.